prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te rendons gloire au temps favorable que tu nous as exaucé. Au jour du salut, tu nous as secouru. Voici maintenant notre temps favorable, notre jour du salut. Nous prions que tu nous conduises par ton esprit dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions avec action de grâce. Et nous disons Amen. Je vais vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour cette opportunité. Je dis merci aussi à notre pasteur, Lady Reverend Simon Ademola, applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. Je l'ai toujours dit que à peine que j'ai été consacré pasteur, entre guillemets, elle m'avait invité. Donc, je crois j'ai été consacré le mercredi. Et je crois que le jeudi, elle m'a invité pour prêcher à l'église francophone le dimanche. À cette époque, on était à Tessano. Alléluia. Et je rends gloire au Seigneur que j'ai fait partie de cette famille, comme elle a dit. Applaudissez pour le Seigneur. Et aussi Lady Pastor Akos qui travaille à ses côtés. Et vous aussi, il y a certains frères qui sont déjà repartis dans différents pays, dans leur patrie, qui étaient avec nous et qui sont dans Lighthouse dans différents pays. Et on voit aussi que nous faisons tous partie de cette grande famille. Applaudissez pour vous-même. Alléluia. Voilà, au premier culte, comme vous le savez tous, nous sommes en train d'étudier souffrir, perdre, sacrifier et mourir. Alléluia. Et au premier culte, je parlais sur les ennemis du sacrifice. Alléluia. Et le sacrifice, pour ceux-là qui étaient le mercredi et ceux-là qui étaient là au premier culte, le sacrifice a trois ennemis, en résumé. Le premier ennemi, c'est l'antichrist. L'antichrist, c'est celui qui oppose le sacrifice et il viendra d'une manière paisible. Alléluia. Il viendra, c'est pourquoi, surtout les politiciens, je peux utiliser un exemple au pays. Il y a, dans la province où je suis, il y a un politicien qui semble être paisible, apparemment. Mais il fait des dégâts terribles. Des dégâts qu'il fait. Il n'y a aucun gouverneur qui les a fait. Et pour ceux-là qui connaissent le sport, c'est lui le président de TP Mazembe. Il y a une équipe qu'on appelle TP Mazembe. Et le président, ça, le gars est terrible. Mais il a essayé de faire quelques signes de progrès, réparer quelques petites routes. Mais les dégâts matériels qu'il a créés dans la province, là, dit beaucoup de choses. Alors il y a des gens qui viennent, que l'ennemi envoie, qui viennent d'une manière paisible, mais qui viennent pour détruire, pour des destructions massives. Et le deuxième ennemi, c'est Judas. Judas, c'est la tendance, simplement la tendance de raisonner dans les choses spirituelles. C'est-à-dire un raisonnement logique par rapport aux choses que nous ne comprenons pas. Alléluia. Et ce raisonnement logique-là nous amène loin de la présence de Dieu et du plan que Dieu a pour nos vies. Et troisièmement, le diable lui-même, mais il ne vient pas physiquement. Alléluia. Il utilise notre ami, quelqu'un qui est très proche de nous, pour nous pousser à ne pas perdre, souffrir, sacrifier et mourir pour gagner la vie et la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais donner quelques exemples pour terminer. Le mondain aussi sacrifie. Alléluia. Donc, si vous ne sacrifiez pas à Dieu, vous allez sacrifier à autre chose. Si vous ne sacrifiez pas à Dieu, vous allez sacrifier à autre chose parce que le sacrifice est sine qua non, si vous voulez vivre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre sans sacrifice. Parlons des études. Vous ne pouvez pas avancer dans les études sans sacrifice. Si vous voulez entrer le mariage, il y a des sacrifices. Il y a des amis que vous devez perdre obligatoirement, nécessairement. Moi, il y a certaines couleurs que je devais perdre. Hein? Un vrai Congolais met des chaussures orange, chaussures andin, rouge, des histoires comme ça. Et j'étais dans des histoires comme ça. Franchement, chaussures orange, café au lait, hein, des couleurs là compliquées. Ensemble, rouge bordeaux avec chemise noire. Hein, hein. Donc je mets des couleurs comme ça. Quand j'ai raconté ma femme, elle dit, donc pourquoi tu as... Quand tu es venu au bureau l'autre fois me visiter, pourquoi tu as mis cette couleur-là, le polo-là? Je mets des polos avec des carreaux, des polos Lacoste, avec trop de couleurs. Hey, quand elle m'a dit ça, j'étais choqué. Je dis, ah, Et je devais changer et ajuster les couleurs. Oui, oui. Sinon, pour moi, toutes les couleurs marchaient. Oh, veste orange, ça marche. Orange, je vous dis. Rose, ça marche. Ouais. Veste rose avec pantalon noir, chaussures, chocolat, ça marche. Ma femme dit non, non, non, non. Ce genre de couleurs ici, ça ne marche pas. J'ai dit non, moi je suis styliste, modéliste. Elle dit non, ça ne marche pas. J'ai dit aïe. Donc je devais souffrir, je devais perdre mes couleurs. Or, à propos des goûts et des couleurs, on ne peut pas se disputer. Mais ma femme a dit que non, ces couleurs, non. Tu ne peux pas mettre ces couleurs ici. Alors j'ai perdu mes couleurs. Je te dis, je vais perdre mes couleurs. Je devais perdre ma congolité. Pour me marier. Ouais. Je te dis, les couleurs, les 10 chaussures. Ma femme dit, pourquoi? Elle dit, ah, si j'achète de la 10, pourquoi tu as acheté 2? Il faut seulement une chose. Je dis, ah, quand même 2. Donc, j'ai perdu beaucoup de choses parce qu'il fallait, en tant que Congolais, tu as 10 chaussures. 10 comme ça, 10 ça, 10 ça, 10 ça. Mais tu dois perdre, mon frère. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous devez sacrifier. Maintenant, si vous ne sacrifiez pas à Dieu, vous allez sacrifier à autre chose. Maintenant, regardons quelques exemples avec les mondains. Commençons avec les immigrants. Commençons avec les immigrants. Au Congo, particulièrement chez nous, à Kin, il y a celui qu'on appelle Kinois. Le Kinois, il voyage sans passeport. Et il va arriver en Europe. Sans passeport, Kinois. Il y a un quartier qu'on appelle Njili. Et là, je crois que vous avez, Njili, c'est tout près de l'aéroport. C'est un bidonville qui est juste à côté de l'aéroport. Les gens qui habitent en Njili, ce sont eux qui sont en Europe, plus en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'ils font? Ils, sans argent, je vous dis, ils appellent, au Ghana on appelle ça boga, au Congo on appelle ça mikili. Alors on les appelle mikilistes. C'est l'une des raisons pour laquelle au Ghana il n'y a pas les Congolais de Kinshasa. Il n'y a pas des occasions pour voyager. Ils peuvent pas venir ici. Ouais. S'il y avait des occasions pour voyager, ils allaient être ici. Parce que eux ne peuvent pas être là pour juste être. Ils doivent aller en Europe, quel que soit le prix. Même à 58 ans. Il y a une femme qui s'est laissée en Zambie à 43 ans. Elle compte partir. Elle a maintenant 52 ans. Elle compte aller aux États-Unis. Franchement, sans blague. Et elle est sérieuse. Elle va partir. On l'a refusée plusieurs fois. Maintenant, il faut voir les sacrifices. Elle vient d'une bonne famille. Elle est la cadette. Ils ont une maison qu'ils ont laissée à Limété. Il n'y a qu'un seul grand frère. C'est-à-dire, non, elle n'est pas unique. Ils sont à deux. Donc, si elle rentre à Kinshasa, elle aura un moyen de vivre. Mais là où elle vit en Zambie, elle dépend de l'église. Elle est éduquée. Elle a terminé en sciences sociales. Elle n'est pas illettrée. Vous comprenez les sacrifices? Ouais. 7 ans de peine terrible. Elle s'est fait passer pour réfugiée. Elle a invité 7 membres. C'est comme ça que les Kinois travaillent. Elle a invité 7 membres. Elle s'est dit qu'elle est la mère. Cousin, cousine. Elle a appelé sa petite sœur et son mari. La petite sœur a appelé son ami et son mari. Et puis 2 nièces. Sans blague. Maintenant, quand ils ont passé l'interview, la nièce, la dernière, elle a pris fuite, elle a trouvé un copain quelque part, elle est partie. Maintenant, quand ils ont fait l'interview, c'est-à-dire qu'il devait y avoir 7 personnes, où est la 7e personne? On les a refusées. Elle a forcé ainsi de suite, on les a refusées. Elle a encore essayé, elle, on l'a rejetée. Maintenant, elle est en train d'introduire, parce qu'il y avait une forme de magouille. La magouille a été découverte, que non, c'est pas sa famille, ainsi de suite, et tout ça. Maintenant, elle a développé l'hypertension. Les sacrifices que les gens payent. Oui, elle a 53 ans. Quand je l'ai connue, elle ne portait pas des lunettes pour lire. Elle porte des lunettes. Je suis en train de Zambie. Elle porte des lunettes pour lire. Donc, elle a grandi. Oui. Ça fait pratiquement 10 ans. Mais je l'ai rencontrée il y a 7 ans. Ça fait 10 ans qu'elle est en Zambie. Elle compte aller aux États-Unis. Elle dit, elle ne peut, un quinois ne rentre pas à Tine. Quand il sort, il ne rentre pas. Quand il rentre, il doit ramener un véhicule aux parents. C'est comme ça qu'il rentre. Il ne peut pas rentrer de l'Europe. Vous comprenez un peu le sacrifice. Quelqu'un qui est éduqué, qui peut trouver du travail, on la méprise, ne connaît pas l'anglais, ainsi de suite, elle est en train de vivoter. Oui. Elle est en train de vivoter, c'est-à-dire elle est en train de survivre à peine. À peine. Mais parce qu'elle veut aller aux États-Unis. Elle s'est dit, cette fois-ci, elle a donné un délai à Dieu. Au plus tard, 2015. 2015. Et 2015, ça fera 13 ans. Ça fera 14 ans depuis qu'elle a quitté le pays pour partir. Et sans moyen, sans passeport. Vous comprenez? Oui. Et quand ils arrivent en Zambie, les garçons, quand ils arrivent en Zambie, on les attrape par l'immigration, on les déporte au Congo, ils reviennent encore. Hey, on peut déporter trois fois. Quand il entre, et si tu es quinois, c'est juste quinois, ndeni, tu dis bonjour en lingala, ça passe, tu trouves une famille, tu trouves un endroit où dormir. Ils vont te prendre, il faut seulement dire, et ils ne se rejettent pas. Quand tu dis seulement, tu es de là, du quartier, quelle avenue? Oh petit, viens chez moi. C'est comme ça qu'ils sont. Faut voir les sacrifices qu'ils font pour aller en Europe. Ils se battent en Zambie, Malawi. Dans un trac, il entre au Malawi, jusqu'à ce qu'il entre en Afrique du Sud. Il travaille là-bas 3 ans, fait security. Quand tu vas en Afrique du Sud, dis seulement Ndeni. Salue quelqu'un en Lingala. Toutes les sécurités, franchement, sans blague, toute l'Afrique du Sud, 99% de ceux-là qui font security dans les monts, ce sont les Congolais de Kin. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'économiser. Quel âge? 43 ans, 45 ans, ainsi de suite. Ils sont en train d'économiser un peu d'argent pour trouver un moyen. Canada. Canada est difficile ces jours-ci. C'est Londres qui font. Londres. Landa. Et ils ont des surnoms. Les beaux garçons de Londres. Donc quand il arrive là-bas, il demande aux musiciens de chanter. Chante. Papy, le beau garçon de Londres. Maintenant, c'est-à-dire que maintenant, je suis là. Faut voir les sacrifices qu'ils font pour aller en Europe. Il y a des gens qui boivent l'urine pour aller en Europe, pour traverser le désert. Parce que vous voyez le camion citerne qui transporte le carburant. Ils prennent un soudeur, on casse le citerne, ils entrent dedans. Et on laisse un endroit ouvert. Et regardez l'intoxication des gaz, des carburants. Et ils sont là. Et l'eau va chauffer ainsi de suite. Et après un temps, ils n'ont plus d'eau, ils vont boire les urines. Certains vont mourir, on te jette dans le désert. Et ceux-là qui vont arriver là-bas, ce sont les survivants. Et puis, ils vont trouver un moyen au Maroc. Et les Congolais arrivent. Tu te demandes comment ils vont arriver là-bas. Les Congolais, on les retrouve aussi là-bas. À partir du Maroc, ils prennent, il y a des moteurboîtes, qui, disons des hors-bord, et ils traversent. Ils entrent clandestinement. Des fois, on les tue par l'immigration portugaise. S'il n'y a pas de témoins, on les tue. Oui. Et quand ils entrent en Portugal, il y a quelque part où il y a un endroit où ils entrent souterrainement. Je crois qu'on montre ça dans les documentaires. Il y a des choses qu'ils font, ces gens-là. Les immigrants. Ouais. Pour devenir ce qu'ils sont. Quelqu'un a fait ce qu'on appelle les stowaways. Comment on appelle stowaways en français? Pardon. Les clandestins dans les bateaux. 4 fois, il a nagé. On les jetait, il a nagé. Il a pu nager. Quand il est arrivé, au bord de l'océan, il s'est retrouvé qu'il était au Libéria. Il est rentré. Il est reparti. Il peut lui montrer les passeports. C'est, waouh. Maintenant, je suis citoyen. Patati patata. Et on lui a dit, est-ce que tu peux venir à l'église? Il dit, bon. Ouais. Les immigrants, ils payent un sacrifice. Les médecins. Être docteur. Tu étais sur le campus, tu vois, les cours, la médecine, les cours sont en pondération. Ça dit un seul cours avec 6-7 pondérations. Et les pondérations, là, quand tu regardes les cours d'un étudiant en médecine, tu regardes les 7 pondérations, une seule pondération, c'est 4 cours pour toi. Oui. 4 cours pour toi, une seule pondération. Regarde les sacrifices. Et quand tu termines, tu es juste généraliste. Pour faire maintenant la spécialisation, combien d'années? Combien d'années? Combien d'années? Il y a un bactériologiste, c'est dans les livres, au Ghana. Il est venu pour confirmer l'hypothèse de concernant la fièvre jaune, que ça vient d'une bactérie et non d'un virus. Et il a été choqué. Dans ses recherches, il est mort de la fièvre jaune. Il a été choqué. Ah. Il a dit, je ne comprends pas. Mon frère, fais attention, sinon tu risques de dire, je ne comprends pas. Ouais. Tu risques d'arriver à un point où tu dis, je ne comprends pas à cause du genre de sacrifice que tu as choisi. Oui. Pierre et Marie Curie. Pierre et Marie Curie, qui ont obtenu ensemble en tant que couple le prix Nobel. Ils ont décidé de ne pas vivre parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Le prix Nobel vient avec un bon paquet. Ils ont fait plusieurs découvertes, mais la découverte la plus fameuse, c'est le polonium, que Marie Curie, qui était polonaise, a nommé polonium parce qu'elle est polonaise. Maintenant, Marie Curie est morte de la radioactivité. Ouais. Et on lui doit la connaissance de la radioactivité, donc la technologie des radioactivités dans la médecine. Ça vient de Marie Curie, plutôt de Marie Curie. Et elle est morte de ça. Elle est morte de ça. Mais je ne crois pas qu'elle est au ciel. Je ne crois pas. C'est une hypothèse parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Oui. Et son mari est mort d'un accident de charrette. Oui. Pierre. Ils ont sacrifié pour obtenir quoi? C'est la seule famille qui a 3 prix Nobel. Oui, c'est la fille de, leur fille a eu le prix Nobel et je crois quelqu'un d'autre. La seule famille au monde qui a 3 prix Nobel. Mais est-ce qu'ils sont au ciel? Les gens font des sacrifices. Les hommes d'affaires. Il y a un ami homme d'affaires. Il est très, très, très, très, très talentueux. Il est basé en Zambie. Il ne s'occupait pas trop de sa famille. Il était très concerné de ses affaires. Il est, amen, affaires, parler, langage. Quand tu vois, ça c'est un homme d'affaires, habillement, parfum. Quand il parle vite, et avec, il est très détaillé, stylo, là où tu le trouves, ainsi de suite. Un grand homme d'affaires. Un million de dollars. Oui, oui. Plus âgé que moi, mais c'est mon ami. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas très proche de sa famille. Quand sa fille aînée a terminé les études, bac, elle a obtenu le bac, elle a envoyé aux États-Unis. Vous savez les résultats? C'est pas mauvais d'envoyer les enfants à l'étranger, mais quel enfant il faut envoyer? Ouais. Faut pas envoyer l'enfant qui va confondre la liberté en libertinage. Ouais. Et on ne peut pas facile pour casser. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille vient d'envoyer le message il n'y a pas 3 semaines. Pendant que je venais. Ils m'ont appelé pour dire, la fille, j'entendais mon pasteur Soya disait que Dieu, God forbid, te fier quoi, qu'un jour ma fille vienne me dire, papa, je viens avec mon fiancé. Quand elle regarde, elle dit, ah, comment tu t'appelles? Dit, je m'appelle Jeannette Rambo. Hey! Ton fiancé s'appelle Jeannette Rambo. Vous comprenez le message? Jeannette. Et c'est ce qui vient de se passer. Lady Raven, c'est ce qui vient de se passer. La fille vient d'informer ses parents qu'elle a un amant. Hein? Féminin. Elle a un amant. Elle vient de décrocher son diplôme de maîtrise. Ouais. Avec excellence. Et les parents vont partir pour la collation de grade académique. Et elle vient de dire à sa mère que voilà la fille. Et, c'est-à-dire qu'elle a cohabité avec une Hollandaise. Hein, vous voyez les histoires de, bon, appartement, il n'y a pas de... Alors, elles ont... comment on dit? Ouais, partager le loyer. Et pendant ce partage, c'est pourquoi j'ai dit, faites attention, ce n'est pas seulement Johnny Wascarachi, ça peut être Jeannette Rambo. Non, non. Ouais. Et si vous êtes Jeannette, ne vous en faites pas. Ce n'est pas, vous n'êtes pas Jeannette Rambeau, s'il vous plaît. Alléluia. Ne vous en faites pas. Parce que c'est un nom très commun parmi les francophones. Alors, la fille a dit que voilà, elle est mon amant. Et si vous interférez entre moi et elle, je vais me séparer de vous. Oui. Non, c'est trop tard. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme d'affaires avait le temps de chercher l'argent. Il a eu l'argent. Il vit dans un hôtel à 7 étoiles. Il paye 5 000 $ par mois. Talking about money. Quand tu parles de 100 000, tu parles d'une dépense de 1 mois, 3 semaines, parti. Ouais, parle de quelqu'un qui fait l'argent. Parle de quelqu'un qui te dit, je veux voir Mbeki, je veux voir tel ex-président, je veux voir tel président. Ouais, et tel président m'a appelé, les fils du tel président m'a appelé. Pas un seul deux pays, je vous dis. La fille vient de partir. Alors, où est-ce que vous sacrifiez? À qui est-ce que vous sacrifiez? Pour qui est-ce que vous sacrifiez? Pourquoi est-ce que vous sacrifiez? Quand est-ce que vous sacrifiez? Point d'interrogation. Alléluia. Allons rapidement au second chapitre qui est le substitut, un substitut au sacrifice. Un substitut au sacrifice. Qu'est-ce qu'un substitut? C'est quoi un substitut? Remplaçant, en termes simples. Mais, quel remplaçant? Parce que quand vous remplacez, par exemple, le pneu de votre véhicule, vous pouvez trouver exactement le numéro qu'il faut, exact, pour ces véhicules, pour le poids des véhicules recommandés par le fabricant. Mais vous pouvez trouver aussi un sub. Ça, c'est différent. Sub. Sab. Stut. État. Donc, l'état qui est bas. Vulgairement. Un substitut, c'est l'état le plus bas. Un subalterne. Subalterne autre, mais qui est en bas. Subalterne. Submersible. Oui, c'est un bateau, mais... Vous comprenez? Sable. C'est-à-dire que le diable s'est organisé pour que nous puissions avoir un remplaçant pour le sacrifice. Mais ce remplaçant est très bas. Et le sacrifice nous amène à la montagne des dieux. Et la Bible parle du haut lieu des dieux. Et le haut lieu des dieux, c'est l'endroit pour le sacrifice. Mais le diable comprenant que si nous sacrifions pour Dieu, parce que pour que nous sacrifions pour Dieu, nous devons faire l'ascension à sa montagne, qui est la promotion de ta vie. Et comme il comprend, il nous amène au substitut, au pied de la montagne. C'est pourquoi Abraham, quand Dieu lui a demandé, c'est pourquoi j'ai dit pour qui? Quand, quoi et à. Vous comprenez? Parce qu'il y a le temps de sacrifice. Oui, oui. La Bible dit à l'offrande du soir. À l'offrande du soir. C'est à ce moment-là que Élie, le prophète, voilà, s'est approché et il a rebâti l'autel de sacrifice. Qui a fait que la puissance n'était plus là et qu'il y avait la désolation et la pollution chez les Juifs. Et quand il a restauré l'autel, et qu'il a fait le sacrifice. Vous connaissez la conséquence. La pluie, ainsi de suite, et tout a été enlevé. Alléluia. Alors, le diable veut nous amener en bas, mais nous devons faire attention. Lisons rapidement la parole de Dieu. Daniel, chapitre 11, commençons à partir du verset 21 pour une meilleure compréhension. Alléluia. Du contexte. Daniel chapitre 11 à partir du verset 21 jusqu'au verset 32, nous lisons « Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties de même qu'un chef de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie. Tromperie. Les corbeaux et les renards, mettre corbeau sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage, mettre renard par l'odeur alléchée. Oh, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir sur votre ramage, ça c'est Johnny Waskarachi, se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix de haut de ce bois. À ce mot, Dieu nous a placé, Dieu a placé un perchoir de gloire où notre plumage est visible. Ouais. Et Dieu a fait de nous un phénix. C'est un oiseau glorieux. Ouais. Et le diable vient avec un peu de vérité. Hein? Parce qu'il dit que non, quand vous regardez cet arbre, là, il y a concordance entre votre plumage et l'arbre, et l'atmosphère. Ah! Quand tu vas dire, ah oui, je suis en bleu, elle est verte. Waouh! Et à cause de ça, le corbeau voulait parler. Maître corbeau sur, beaucoup de maîtres et de maîtresses sont devenus des élèves. Pendant que vous deviez être maître, parce que vous avez suivi le message du diable. Verset 24. Il entrera au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province, il fera ce que n'avait pas fait ses pères, ni les pères de ses pères, il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses, il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Donc, le diable prend du temps. Ouais, ouais. Le diable travaille, il a un projet. Il travaille, il prend du temps, il dit non, je vais prendre du temps. Si c'est 5 ans, je prendrai 5 ans pour faire tomber cette personne, pour faire sortir cette personne. Verset 25. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui des mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Donc, la Bible nous donne une succession des rois méchants. Jusqu'à ce que nous arrivions à celui même qui sera le destructeur du sacrifice. Verset 27. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal. Et à la même table, ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec des grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Il agira contre elle. Puis il retournera dans son pays, à une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. C'est-à-dire que le diable change de tactique. La première fois, il a amené Johnny Waskarachi, cette fois-ci, il amène Jack Toronto. L'autre fois, il a amené Jeannette Rambo, mais il décide maintenant d'amener... Non, voilà, bon. Verset 29. À une époque fixée, verset 30, des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragé, il reboussera. Puis furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif. Frère qui est inactif dans l'église, les démons et les diables ne sont jamais inactifs. Ils n'aiment pas l'inactivité. Quand les démons quittent une personne, ils commencent à chercher un nouveau loyer. Où est-ce que je peux me loger? Et quand ils ne trouvent pas de logement, ils vont dans un endroit désert. Et là, ils ne vont pas se reposer. Ils y vont seulement, ils voient, non. Ils vont rentrer et trouver un endroit qui est vide. Vide, où il n'y a pas de sacrifice, où il n'y a pas de perte, où il y a la paix, où c'est calme, tout est calme. Et c'est là qu'ils vont habiter avec sept autres plus puissants. Ils vont mettre des gardes du corps pour sécuriser l'endroit. De telle façon que aucun frère qui viendra te visiter ne puisse avoir l'accès. Donc tu as affaire à Jack Toronto ou bien Johnny Waskarachi, mais dans une autre forme. verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront les sanctuaires, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et je crois que cette assemblée, nous appartenons à l'assemblée de ceux-là qui connaissent leur Dieu et qui agiront avec fermeté. Je vous vois agir avec fermeté au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi précédemment dans les premiers cultes, nous nous sommes adressés à ceux-là, le traître de l'Alliance. Ceux-là qui abandonnent l'Alliance. Bien-aimés, la vie chrétienne, c'est une alliance. Christ, le jour de son arrestation, a présenté la coupe. Il a dit, voici la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Nous sommes dans une alliance. Et parce que le diable sait que nous sommes les alliés de Dieu, nous sommes puissants. Et pour nous affaiblir, et c'est ce que le diable est en train de faire avec l'URSS, pour affaiblir l'URSS, alors il a créé une situation pour que l'URSS ne soit plus allié aux États-Unis et aux grandes puissances. Et pour ce fait, ça donne maintenant une bonne opportunité et occasion. Donc, la chute de la perestroïka était bonne. Celle-ci risque d'être dangereuse pour l'URSS. Pourquoi? Parce que l'URSS s'est détaché des alliés. Mon frère, ma sœur, ne te détache pas. Nous sommes alliés, nous faisons partie de l'alliance nouvelle et éternelle. Ne compromets pas à l'alliance. Respecte les clauses de l'alliance. C'est dur. Paye le prix. Paye le prix. Paye le prix. Au premier que j'ai dit, est-ce que vous connaissez le prix? Parce que notre pasteur, il est un peu... mais le prix qu'elle a payé. Le prix. Le prix, il y a un prix, mon frère. Il y a un prix à payer. Et le prix n'est pas moins cher. Je peux vous garantir que vous pouvez aller dans toutes les gloires du monde. Vous pouvez faire Dubaï, Singapour et toutes les nouvelles villes, les nouvelles gloires. Vous n'allez pas trouver un substitut pour le prix de votre présence dans cette église. Vous n'allez pas trouver le prix. Et maintenant, comme le diable le sait, il va venir par des flatteries. Il va convaincre un certain groupe, ne rejoins pas la chorale, fais ça, ne rejoins pas tel groupe, ne fais pas ça pour amener la désolation. Quand il n'y a pas les sacrifices, il y a la désolation, il y a la pollution. Et la pollution, c'est une puanteur. Là où les eaux sont polluées, les eaux puent. Qui a déjà, moi j'ai nagé trop, et quand il y a des problèmes dans la piscine, on cherchait à nager dans les rivières, dans les alentours. Et des fois vous trouvez les eaux polluées. Donc les eaux stagnantes quelque part dans un gouffre, un trou qu'on a creusé. Moi j'étais aventuré, je me plongeais le premier. Je n'avais pas peur. Et tous mes amis suivent. Ils ont peur peut-être qu'il y a un serpent. L'eau jaune. Tu regardes jaune, un gouffre. Un endroit qu'on a creusé, je ne sais pas, pour faire les briques ou quelque chose. Et je vois il y a de l'eau. Moi je vais plonger. Je n'ai pas peur. Tous les autres attendent. Je me plonge, paf, ils suivent. Fais attention avec un frère comme ça. Qui se plonge le premier dans les eaux polluées. Alléluia. Donc le roi Antiochus, donc le dernier roi dont on a parlé, qui a profané le temple, qui a enlevé le sacrifice, c'est quelqu'un qui a contraint les juifs à adorer les idoles, c'est-à-dire de remplacer. Quand vous regardez, selon ce que Dieu a prévu, le sacrifice, les bêtes qui devaient être sacrifiées, c'est le bœuf, quoi encore, l'agneau, les pigeons, ainsi de suite. Mais les porcs, c'est une bête impure pour les juifs jusqu'à ce jour. Mais il a remplacé, c'est-à-dire un substitut, il a amené autre chose. Et la fille dont je vous parle, qui s'est éloignée des dieux, elle prie, elle va à l'église chaque dimanche. Elle est dans une église aux États-Unis. Elle prie beaucoup. C'est ce que la maman dit. Elle prie beaucoup. Elle prie. Elle va à l'église le dimanche. Elle va à l'église en semaine. Mais parce qu'il n'y a pas le sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a un sacrifice primaire. 2+2, genre de sacrifice. 2+2, 1+1, genre de sacrifice. Pas 1500-1. Ça devient un peu compliqué. Donc c'est là que nous devons monter pour que le diable ne puisse pas nous atteindre. Les Israélites adoraient et sacrifiaient aux idoles. Quand nous lisons Psaume 106, versets 37 et 38, ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles, ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils, de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par de meurtres. Quand vous amenez les substituts du sacrifice, il y a la profanation. Et la profanation amène la désolation, le sacrilège. La profanation, d'une manière simple et explicite, c'est par exemple l'inceste. Vous voyez ce que ça crée, le climat que ça crée. Donc, quand il n'y a pas le sacrifice, l'atmosphère n'est plus bienfaisante dans l'église. Et celui qui est dans la zone où il n'y a pas le sacrifice n'est pas dans une bonne atmosphère. Son atmosphère est polluée. Son atmosphère est polluée. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de communion entre toi et Dieu parce que l'alliance est brisée. Les clauses de l'alliance ne sont pas respectées. L'alliance est nouvelle et éternelle. Elle reste à jamais, à perpétuité, nouvelle et éternelle. Elle ne sera jamais vieille. C'est pourquoi la Bible dit, Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, les choses qu'il a faites hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Maintenant, pourquoi abandonner les clauses de l'alliance? Pourquoi pas ne pas jurer? La Bible dit, celui qui peut monter à la montagne de l'éternel doit jurer contre lui. C'est-à-dire que tu as promis à quelqu'un $500, mais il a peur que ton fils est terriblement malade. Mais comme tu as fait la promesse, tu dois honorer la promesse et laisser ton fils qui est gravement malade à la maison en donnant les $500. Et ce sont les chrétiens que nous cherchons. Et ce chrétien, c'est vous. Applaudissez pour vous-même. Ouais. Applaudissez pour vous-même. Aujourd'hui, les gens sont préparés à envoyer leurs enfants dans des endroits dangereux. Dans des pays où mon fils travaille au Congo. Où est-ce qu'il travaille? Il est avec l'ONU où? À Kisangani. C'est une ville dangereuse. Où? À Bukavu. C'est au Congo, en RDC. Mais c'est une ville dangereuse. Il y a des gens là-bas qui ont des salaires avec des primes de... Comment on appelle ça? Primes de quoi? Primes de danger. C'est-à-dire qu'avec un salaire de $25,000, avec les autres primes de danger, parce que tu peux mourir dans cette zone-là. Oui. À Kin tellement que comment on appelle? L'embouteillage est terrifiant. Et à cause de ça, on a créé des primes, on vérifie les gens de l'ONU. On vérifie la tension. Parce que quand tu vois les chauffeurs, la façon dont ils conduisent, tout le temps. Alors on vérifie, oui, tous les véhicules de l'ONU, à cause de ça, il y a des radios pour vérifier, donc il y a des, comment on appelle ça, GPS, Chaka. Donc c'est-à-dire qu'on doit savoir où est-ce que tu es. Oui, à Kinshasa, il n'y a pas la guerre, mais la tension, il y a une autre forme de guerre. Et vous allez voir là-bas, qui sont là-bas? Hein? Et là, pardonne-moi, mais c'est beaucoup plus les Ghanéens, avec des salaires de 20 000, 30 000 dollars. Oui, parce qu'ils sont intelligents, applaudissez pour les Ghanéens. Ouais. L'ONU, c'est le Ghana. Il faut le savoir. Partout vous passez. Ouais. Avec des salaires que j'appelle salaires charnus. Avec la chair. Il y a la chair. 30 000. 5 000. À des endroits de risque. Il y a un bâtiment. J'étais à Kin. Je suis allé visiter notre église de Kin. Et là, le bâtiment s'est écoulé dans le quartier. Comme dans un film. Un bâtiment de 5 niveaux. Et il y a les gens de l'ONU là-bas. Et ils ne vont pas rentrer au pays. Il n'y a que les expatriés là-bas. Heureusement, c'était vers 9h30. Et j'étais là. Quand vous voyez, c'est comme un film, c'est comme du théâtre. 4 niveaux de jolis appartements. De plus de $2,000 par appartement. Ça s'est écoulé comme ça. Et quelqu'un a filmé ça sur son téléphone. Heureusement, il n'y a personne. On voyait comment ça tombe. Donc le premier niveau, on voit les briques. Comme comme dans un film. Et puis ça s'est écoulé 4 niveaux. Personne n'est mort par la grâce de Dieu. Ouais. Et dans des endroits comme ça, vous n'allez voir personne dire que je sois transféré. Non, non, non, non. Tine. Je veux rester à Tine. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, reste à l'église les après-midi. Non! Non, j'ai un rendez-vous. Non, je dois être à Zouzou. Hey! Non, je dois être à truc. Hey, il y a, je sais, parce que moi je nage, je suis aussi un mauvais francophone. J'ai dit à Tessano, où je trouve des francophones à Tessano, en train de, j'ai fui. Hey, où est-ce que tu peux aller? En train de nager à Tessano Club, Sport Club. Hey! Pourquoi est-ce que tu ne veux pas rejoindre? Non, parce que tu vas juste suivre un match. Mon frère. Ça, c'est un substitut. Tu payes un prix. Tu payes un prix, mais pour ta destruction. Pour ta destruction. Lisons encore un autre passage pour terminer. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. En d'autres termes, les autres formes de sacrifices qui sont acceptables que nous avons décrites, les sacrifices des médecins, ainsi de suite, quand vous vous limitez à ça, vous sacrifiez aux démons. Ouais. Quand vous vous limitez à ça, vous sacrifiez aux démons. L'exemple que je vous ai donné l'exemple d'un chrétien qui s'est concentré dans les affaires au lieu d'enseigner les enfants comment prier. Allons à l'église. Il était toujours, chaque fois que je le vois, il a dans le coffre-fort. Un jour, il m'a dit, oh Max, aide-moi, où est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui va ouvrir, comment on dit? Boîte à gants, n'est-ce pas? Hein? Où est-ce qu'on peut trouver un serrurier pour ouvrir ça? Vous savez, il y avait combien? Il y avait 2 000 $. Et le 2 000 $, c'est pourquoi? C'est pour que les enfants aillent dans des malls là pour faire brrr, ouais. Il y a des gens, à cause des substituts, ils paient le prix. Ils paient le prix. Il y a un autre pasteur que je connais, n'est pas de Lighthouse. Sa femme est allée faire sa maîtrise au Danemark. Maintenant, il a pris les frères de l'église, qui sont ils ont des parentés avec certains frères de l'église, et pour garder les enfants, 2 garçons. Et le père, comme il est pasteur laïque, il est médecin, spécialiste, ils ont vécu à Londres, ils sont rentrés, il a reçu l'appel de Dieu, il travaillait à part-time comme médecin, mais il était presque pasteur à temps plein. Alors, il s'est dit que bon, comme les enfants se sentent seuls, il a acheté les Duo TV, DSTV, Duo. Donc, tu es libre. Donc, deux décodeurs. Donc, les enfants et un décodeur dans leur chambre, les 2 garçons. L'un avait 7 ans, l'aîné, 10 ans. Chalet. Les enfants, il y a une chienne qu'on appelait, je crois, I quelque chose. Là, c'est la nudité et la pornographie. 24 sur 24. Et les enfants s'enfermaient. J'ai visité cette maison. Les enfants s'enfermaient à clé. Quand tu toques la porte, donc ils diminuent, ils mettent les écouteurs. Ils sont en train de faire et ils ont développé la masturbation. À cet âge-là, je ne sais pas quel genre de prière peut délivrer ces enfants-là. Quand la maman... Non, franchement, c'est pas une blague. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ce n'est pas du théâtre. Vous n'êtes pas parents. C'est pas du théâtre. C'est pas du théâtre. C'est pas du théâtre. C'est pas une composition. Non. C'est sérieux. Et qu'est-ce qui se passe? La maman est rentrée. Elle a un boulot avec, elle a trouvé du travail avec, comment on appelle? UN WEC. C'est quoi? UN pour le travail. UN. Hein? Non, non, j'ai oublié. Donc, la section de l'ONU qui s'occupe du travail. J'ai oublié. Pardon? ILO. Yeah, ILO. International Labour Organization. Yeah. Elle a trouvé un bon boulot là-bas. C'est alors qu'ils ont découvert. C'est la maman qui est rentrée qui a découvert. Elle vient avec le prix du substitut. Et elle récolte aussi les enfants qui se masturbe à 10 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle prière? Parce qu'ils ne sont pas à l'âge de la maturité, c'est la passion. Comment ils vont comprendre que non, la parole de Dieu dit ça? Ça, il faut la miséricorde, je ne sais pas comment est la situation. 7 ans et 10 ans. Vous comprenez? Donc, quand vous ne sacrifiez pas maintenant, quand nous regardons ce que l'évêque est en train de faire, regardez tous les enfants des pasteurs à Lighthouse, par la grâce de Dieu, n'ont pas piqué la crise de puberté. Applaudissez pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas fait de substituts. Ils n'ont pas remplacé. Et la plupart des enfants sont en Ukraine, ainsi de suite. Et les enfants sont, comment on dit? Hein? Non, l'encadrement, c'est les prix, le sacrifice. Il n'y a pas d'encadrement, ils sont libres en Europe. Ils sont libres. C'est un monde libre. Tu peux aller où partout tu veux, tu peux surfer sur quoi que ce soit. Libre. Partout tu veux. Qui va te voir? Qui va te voir? Tu peux faire tout ce que tu veux. Alors mon frère, ne remplace pas, ne sacrifie pas le porc dans la maison des dieux. Sacrifie ce que Dieu a demandé. Tenons-nous tous debout. Maintenant, laissez-moi juste simplifier. De quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons de votre vie. Nous parlons de vous de manière à ce que vous vous impliquiez dans l'église. Vous vous investissiez dans l'église. Que vous ne soyez pas un visiteur et un admirateur, mais plutôt un participant, partie prenante à tout ce qui se fait dans cette maison, selon l'énergie intellectuelle, matérielle, financière que Dieu a mise à votre disposition. Comme nous avons vu Pérez, c'était quelqu'un qui était yeah. Regardez la production. Si peut-être j'étais millionnaire par la grâce de Dieu, peut-être j'allais donner 5 000 pour ce que Pérez a fait. Oui. Voilà l'investissement de Pérez. Come to church. Come to church. J'amène ça. Et je vais vous donner les résultats un jour au Congo. Come to church. Come to church. Come to church. Mais vous pensez que Pérez a produit Come to church en dormant, en étant juste un petit rappeur qu'il était de l'époque. Et il est juste venu. Il a vu, il a dit, oh, je peux faire Come to church parce qu'il y a des gens comme ça. Non. Je connais Pérez, ça fait 3 ans. Pérez est ici presque chaque jour. Pérez est toujours en train d'enseigner. Il est toujours avec 2 personnes qui l'enseignent. Il est avec 3 personnes qui sont en train d'enseigner. Tu vois quelqu'un qui est raffiné dans les choses des yeux. Et regardons les résultats. Come to church. Come to church. Come to church. Maintenant, quelle est votre part? Donc peut-être vous n'avez pas compris tout ce que j'ai dit, mais vous devez investir votre temps, votre énergie et tout ce que Dieu vous a donné. Alors prions pour la grâce, parce que la prière nous prédispose et elle nous donne la grâce. Comme Paul a dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il a dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Et la ville des dieux, c'est la maison des dieux. Et si vous voyez quelqu'un, vous voyez notre pasteur, vous voyez un berger, quelqu'un que vous sentez, qui vous inspire, si vous le voyez, il va vous dire ce que vous devez faire. Alléluia. Levons-nous nos deux mains et prions le Seigneur. Parle à Dieu individuellement. Parlez à Dieu individuellement. Parlez à Dieu. Nous sommes à la belle porte, mais il y a un prix à payer pour le sacrifice qui va nous amener le miracle. Père Tout-Puissant, aide-nous Seigneur, ô Dieu, à nous investir dans ta maison. Ô Dieu, que nous puissions nous offrir à toi ce que nous avons gardé, ce que nous avons donné aux hommes, ô Père. Nous l'amenons à tes pieds. Nous amenons nos bouteilles d'alabastre. Nous amenons, Seigneur, nos ressources, notre intelligence, nos talents. Certains d'entre nous, nous pouvons chanter, mais nous ne voulons pas rejoindre la chorale, ô Dieu, par orgueil et par esprit compétitif, ô Dieu. Et par comparaison, nous avons l'impression que la chorale est basse, le niveau de la chorale est basse, et les voix et la combinaison, Seigneur, mais pardonne-nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous changeons d'attitude. Certains d'entre nous, nous savons jouer aux instruments, mais quand nous regardons, nous sentons que il y a un processus, nous ne sommes pas prêts, ô Dieu de gloire, parce que nous sommes des stars, nous devons être acceptés, ô Dieu de gloire, sans pour autant passer par la formation. Seigneur, mais aide-nous à nous soumettre à ton autorité, ô Dieu, afin que ta gloire éclate par le sacrifice, ô Dieu, dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions avec action de grâce. Pendant que nous restons nos yeux fermés, si vous êtes là, vous étiez au premier culte, mais vous n'êtes pas né de nouveau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui se disent, bon voilà, j'étais à l'église catholique, voilà, bon moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais baptisé quand j'avais 2 ans. Mon frère, vous faites une erreur gravissime. Nous tous, nous y étions. C'est une bonne église, mais seulement que il n'y a pas l'insistance du fait qu'on doit donner sa vie à Christ. Donc, en étant dans un environnement comme ça, peut-être certains ont donné leur vie au Seigneur, mais c'est pas tout le monde. Alors voilà, l'occasion vous est offerte pour que un jour vous ne puissiez pas donner d'excuses que vous n'avez jamais reçu le message. Si vous n'êtes pas né de nouveau, voilà la belle occasion qui vous est offerte à la belle église. Levez votre main droite. La Bible dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux. Levez votre main droite si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous êtes là, vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous êtes là, levez votre main droite. Levez votre main droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il y a encore quelqu'un d'autre. Fermons tous nos yeux, s'il vous plaît. Juste par respect pour la présence des dieux. Et baissons nos... Si vous êtes là encore, quelqu'un d'autre, si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus. Voilà, si vous avez levé votre main, veuillez avancer, s'il vous plaît. Veuillez avancer, applaudissez pour le Seigneur, encouragez nos frères pendant qu'ils s'avancent. Encourageons-le parce que les anges sont en train de les célébrer au ciel. Alléluia, encourageons-le avec des applaudissements. Encourageons-le. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh mes frères, levez vos deux mains. Congrégation aussi, levons tous nos deux mains. Peut-être vous êtes dans la congrégation, vous avez donné votre vie au Seigneur, mais c'est le temps de se consacrer de nouveau à Dieu. De s'offrir à Dieu de nouveau, de retourner à Dieu. Avec nos cœurs et non pas avec notre accoutrement. Alors dites après moi, Seigneur Jésus. Je reviens à toi aujourd'hui et je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts après 3 jours. Jésus, inscris mon nom dans le livre de vie. Aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Aide-moi à porter ma croix afin que je voie la puissance de l'évangile produire des effets dans ma vie, dans mon caractère, dans mon attitude, dans mes goûts, dans mes tendances, dans ma compagnie, dans mon environnement, au nom de Jésus. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Voilà, il y a notre frère, notre berger qui est derrière. Suivez-le, il va parler avec vous pendant un temps et puis vous rentrez après le culte. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. J'aimerais dire un grand merci à notre Lady Reverend pour cette opportunité auguste de nous inviter. Ça a toujours été une grande joie et j'honore cela. Et je lui ai toujours fait des messages. Un jour, je me suis rappelé qu'elle m'a invité. Alors, j'ai fait un message pour apprécier que voilà, ça dit beaucoup pour moi. En tout cas, merci beaucoup, Lady Reverend Simone. Applaudissons pour le Seigneur pendant qu'il s'avance. Merci. Hallelujah.